Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousues main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, après la crise, Demain est-il un autre jour ? Une série de Marie Chartron réalisée par Doria Zénine. Au départ de cette série, il y a cette crise sanitaire dont on voudrait voir la fin et cette envie de visiter en archive d'autres lendemains de crise, y compris la crise pétrolière, pour voir s'il y a quelque chose à en tirer. Alors pour commencer, les personnages. Des voyantes, des ministres, des journalistes, un écologiste pionnier, des ouvriers, un chômeur qui s'organise et un secrétaire d'État qui fait une annonce. Ensuite, le décor. Des pipelines, les Émirats, des voitures, la guerre, l'Algérie, le gaspillage, l'heure d'hiver, l'Iran, un vélo, Fessenheim, des foyers ouvriers, des grèves, les restes de la colonisation, le regroupement familial, l'aide au retour et des avions renifleurs. Aujourd'hui, 3e épisode, il était une fois une fiction. Bonjour. La grande affaire de la semaine, c'est le pétrole. Et c'est pourquoi je vous invite d'abord à me suivre ce soir dans un futur d'où l'automobile aurait disparu. Oh Jean, tu penses que ça va marcher ? Oh oui, c'est un des premiers modèles, les plus robustes. C'est primitif, mais c'est solide. Oh, on ne lésinait pas sur le métal dans ce temps-là. J'ai réussi à réparer les bandages pneumatiques en caoutchouc. Il n'y a pas de raison pour que je n'arrive pas à réajuster toute cette vieille ferraille. Ce qui m'embête... C'est quoi, mon Jean ? L'essence ! L'essence de pétrole ! Maintenant, l'instant est solennel. Il n'y a plus qu'à tourner la manivelle. Jean, tu es extraordinaire ! Allons-y ! Mademoiselle, si vous voulez bien grimper dans cet engin, votre carrosse est avancée. C'est un conte de fées. En voiture, en voiture. Eh bien, es-tu contente? Je suis ravie. Évidemment, ça saute un peu beaucoup, mais nous roulons sur une si vieille route. Oh Jean, je voudrais que cette vieille route se déroule sans fin devant nous. Je voudrais que cette vieille auto nous conduise jusqu'au bout du monde. N'être que deux dans un carrosse à pétrole... C'est un rêve qu'on n'avait pas le droit d'interdire aux gens. 1974, du pétrole et des idées. Marie Chartron, Doria Zénine. Nous sommes en 1951 et cette fiction radiophonique d'anticipation intitulée « Sur les routes de l'an 2000 » imagine l'avenir lointain de l'automobile. Plus de routes de campagne sillonnées par des voitures, plus d'amoureux serrés dans l'habitacle, le nez au vent et loin de tous les regards, et surtout, des imaginations pessimistes, selon les termes du présentateur, envisagent une crise du carburant. Quelques 2 décennies plus tard, en France, le mot camping-car s'apprête à faire son entrée dans le petit Robert des noms communs. Aux États-Unis, le président Nixon annonce la fin de la convertibilité du dollar en or, signant la fin du système de Bretton Woods et le retour des changes flottants qui feront tanguer l'économie mondiale au gré des variations du billet vert. La planète partage donc bien le même habitacle et elle tressaille après un automne 1973 agité par une forte hausse des prix du pétrole. Que sera 74 ? Alors, je ne suis pas en mesure de répondre, mais les déclarations d'hommes politiques, d'économistes, de futurologues... nous donne une première indication, mais pour aller plus loin, parce qu'il faut toujours aller plus loin, n'est-ce pas ? Nous avons décidé de recueillir les avis de ceux qui prétendent lire dans l'avenir. L'année 74 ne sera pas bien meilleure que l'année 73, ce sera toujours des déchirements de toutes sortes, politiques, des grands événements à l'étranger, et le monde sera bouleversant. Mais je ne vois pas, comme certains prétendent dire, que nous allons vers la fin du monde. Non, pas la fin du monde, on se mouille pas beaucoup, en somme. Non, ça j'avoue que des prédictions comme ça, moi je peux en faire. Non, ben elle dit n'importe quoi, c'est tout. Bon, n'insistons pas. Problème délicat, manquerons-nous de pétrole ? Pas de rationnement. On parlera beaucoup en février de tickets pouvant modérer ce pétrole que tout le monde aime, mais en réalité, je ne crois pas qu'il y ait distribution de tickets, malgré une apparente ration. Toutefois, tout le monde roulera plus que jamais. Alors, pour le pétrole, nous allons avoir beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts. La France ne manquera pas de pétrole. Comment peut-on joindre les deux bouts du pétrole? Avec un pipeline? Ah, sûrement. Il semble y avoir de la friture sur le pipeline. Cette fois-ci, la crise a l'air sérieuse. Les États-Unis, grands pétroliers, touchent leurs limites. Ils ont déjà atteint un pic de production, sont très dépendants des importations du Moyen-Orient et entendent développer de nouveaux gisements non conventionnels de gaz de schiste bitumineux. De l'autre côté de l'océan, en octobre 1973, la guerre du Kippour opposant Israël à l'Égypte et à la Syrie divise le monde en plusieurs camps. Les pays arabes de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, annonce une augmentation du prix du brut en réaction à l'aide militaire apportée à Israël par les États-Unis et menace ces derniers d'embargo. Mais au-delà de la crise diplomatique, les pays exportateurs entendent faire porter leur voix sur la scène économique mondiale. Abdelaziz Bouteflika, ministre algérien des Affaires étrangères, à l'automne 1973. Le pétrole semble jouer un rôle important dans l'évolution des relations internationales maintenant. Non point, parce qu'il jette un éclairage tout à fait nouveau sur la question du Moyen-Orient, mais aussi parce qu'il attire l'attention du monde développé sur la situation toute particulière qui est réservée au monde en voie de développement à travers le problème ô combien complexe des matières premières. Les pays arabes font de véritables sacrifices, puisque aussi bien, si nous tenons compte de leur niveau de vie, si nous tenons compte de leurs exigences, si nous tenons compte de leur population, il est parfaitement clair que leur production actuelle est une surproduction et que pour certains pays, l'Arabie par exemple, l'Arabie saoudite pourrait vivre au même standing qui est le sien actuellement en produisant 20% de son pétrole seulement. C'est dire qu'un pays comme l'Arabie saoudite fait des sacrifices énormes pour assurer plus de prospérité aux pays prospères et pour assurer des conditions de développement meilleures à des pays que nous considérons comme étant surdéveloppés. Et ajoutons à propos des conséquences qu'à New York, un groupe de spécialistes de ces questions, réunis par l'hebdomadaire Time Magazine, affirme que le chômage va s'accroître et que cela va mettre pratiquement fin à l'expansion économique de l'Europe. Et pour le professeur de sciences économiques de Paris, M. Pascal Salin, qui participait à cette rencontre, sans la crise pétrolière, la production française brute se serait accrue de 4 à 5 % en 1974, des chiffres qu'il faudra bien entendu réviser. Depuis le début de la crise du Proche-Orient, Pierre Messmer, Premier ministre, l'approvisionnement de la France en pétrole brut n'a subi aucune détérioration sensible. Mais à moyen et à long terme, la situation est gravement préoccupante. D'abord, parce que la croissance des besoins est telle que les producteurs ne pourront pas s'y satisfaire, abstraction faite de toute considération politique. Ensuite, parce que les prix des produits pétroliers augmentent si vite que leur poids devient très lourd pour notre économie. Quoi qu'il arrive, il faut désormais mieux utiliser nos ressources en énergie et modérer volontairement notre consommation chaque fois que c'est possible. Faute de s'y décider, les Français s'exposeraient à des restrictions comme celles qui sont déjà imposées dans d'autres pays d'Europe. Je suis très inquiet, oui. Très inquiet, surtout en tant qu'utilisateur de véhicules, ça posera des problèmes, même beaucoup de problèmes. La forte hausse de l'essence et du fioul va aggraver l'inflation. Pays arabes, parce qu'ils font ce qu'ils veulent, ils ont un marché monopolistique et puis ils font la loi. Nous aussi, on a le droit de leur vendre le blé au lieu de leur vendre, je sais pas, 1000 francs le quintal, leur vendre 1 million le quintal aussi, on peut le faire. Nouvelles restrictions dans les pays européens. Ah, la crise du pétrole, ben, ça résout les problèmes de pollution. La pression sur l'Europe s'accentue. Les marchés financiers malades du pétrole. Les Européens en sont certainement les plus grands responsables pour avoir donné une certaine forme d'éducation aux pays arabes qui se répercute un petit peu maintenant sur... C'est l'effet du boomerang, à votre avis, c'est le choc en retour, c'est ça? Un petit peu. Tout le monde est un peu responsable, hein. Chacun veut retirer sa part, mais personne ne veut admettre la responsabilité. Mais elle est pourtant flagrante d'un certain côté. C'est-à-dire? Oh ben, du côté des Arabes, ouais. Il n'y a pas d'erreur. La guerre pétrolière, c'est un peu la guerre tout court. Eh oui. Mais s'agit-il véritablement d'un coup de tonnerre dans une histoire d'amour désintéressée et sans nuages? Avec du pétrole, les idylles sont tout de suite plus inflammables. Et dans les décennies précédant le choc de 1973, leur crépitement se fait régulièrement entendre entre les pays producteurs et le cartel des compagnies pétrolières d'Europe et d'Amérique. Par exemple, en mai 1958, à Alger, les manifestations organisées pour saluer la mémoire de 3 soldats français tués par le FLN tournent à l'émeute. Un comité de salut public, dont le général Massu prend la direction, est constitué par les forces insurrectionnelles partisanes de l'Algérie française qui appellent à la création en métropole d'un gouvernement de salut public qui seul peut sauver l'Algérie de l'abandon. D'autres comités se forment et M. Ramet, directeur des services techniques de la Compagnie française des pétroles d'Algérie, s'adresse à ses homologues de la métropole. Le comité de salut public du pétrole, représentant le personnel des sociétés pétrolières désignées ci-après, recherche, prospection et forage, Altraven, CEP, CFPA, CFPS, CGG, CPA, CREPS, Forinco, Interfor, Languedocienne, SNREPAL, SNPA, SOPEG, SEP, Distribution, Algéronaf, Beryl, BP, Esso Standard, Mobilol Algérie, Mori, Purfina, Shell, Stellin Total, SMC, au nom de l'ensemble des pétroliers français travaillant en Algérie et au Sahara, a adopté au cours de sa première réunion du 21 mai 1958 la motion suivante. Nous adjurons nos collègues de la métropole et de l'Union française d'œuvrer de toutes leurs forces pour l'intégration définitive de l'Algérie à la France. Nous sommes de tout cœur avec la magnifique fraternisation franco-musulmane qu'il serait odieux de décevoir. Nous estimons que les gouvernements successifs ont prouvé leur incapacité à diriger les destinées du pays et sont indignes de la vigoureuse et magnifique jeunesse française qui met en valeur le Sahara. Nous demandons à tous nos collègues, sans aucune discrimination, de s'associer à notre action en vue de mettre fin, une fois pour toutes, au marasme politique français et dans ce but d'aider par tous leurs moyens à la constitution d'un gouvernement de salut public seul capable d'atteindre cet objectif. Nous apporterons à la poursuite de ce but une détermination sereine mais tenace. Vive la France et l'Algérie française, vive la République, vive De Gaulle. Par exemple, en juin 1967, sur fond de guerre des six jours opposant l'Égypte, la Syrie et la Jordanie à Israël, les pays pétroliers arabes réunis à Bagdad décident d'un embargo contre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne pour leur soutien à Israël. L'Arabie saoudite et le Koweït se retrouvent en porte-à-faux. Pragmatique, l'Iran et le Venezuela augmentent leurs exportations, tout comme les États-Unis. Aujourd'hui, la 6e conférence arabe du pétrole vient de se terminer à Bagdad. Ces résolutions tendent à l'arabisation de l'industrie. On imagine un contrôle des compagnies étrangères occidentales, une augmentation du nombre des techniciens arabes, une création de compagnies nationales. Pendant ces récentes discussions, la guerre des propagandes est devenue très violente. La voix des Arabes du Caire s'en prend à la Jordanie, à l'Arabie saoudite. Radio Amman et Radio Riyad répondent. Le président de la République irakienne déclare que les compagnies pétrolières ont compris l'éveil populaire. Ah, les dissensions arabes sont nombreuses. Par exemple, en janvier 1971, à Téhéran, les pays de l'OPEP font acte de solidarité en déclarant que si une compagnie pétrolière fait pression sur l'un d'entre eux en réduisant localement sa production, tous les autres producteurs refuseront d'augmenter la leur pour ne pas compenser. Bonjour. La grande affaire de la semaine, c'est le pétrole. D'une part avec les discussions de Téhéran entre les pays producteurs et les compagnies pétrolières, d'autre part avec la reprise aujourd'hui à Paris de la négociation franco-algérienne. Mais entre le pétrole brut et l'essence que les automobilistes français trouvent chez leurs pompistes, il y a un long chemin, au propre comme au figuré, et avant que tout changement dans les prix à la production se répercute sur les ventes d'essence aux particuliers, il faut encore qu'un savant mécanisme d'équilibre entre les taxes et le prix de revient soit étudié par chaque gouvernement occidental. Ce n'est donc pas, en principe, avant plusieurs mois, qu'une incidence quelconque du marchandage pétrolier en cours au Proche-Orient se ferait sentir chez nous. Par exemple, en février 1971, suite au refus des compagnies pétrolières françaises de renégocier le prix du pétrole, le président Wari Boumediene annonce la nationalisation des hydrocarbures algériens. Chacun devient alors expert en géopolitique. Je trouve qu'ils ont raison de se nationaliser et de prendre leurs affaires en main. Au fond, c'est leur pétrole. Je couperai les crédits définitivement. Je cesserai la coopération avec Alger. Si on se reporte dans le passé, il y a eu d'autres échecs du même genre qui se sont révélés être beaucoup moins graves qu'on ne peut bien le penser actuellement. Pour que les Français puissent continuer à rouler tous les jours, mais consomment moins d'essence, et pour réduire la mortalité routière, le Premier ministre Pierre Messmer présente le 30 novembre 1973 un décret fixant la limite maximale à 90 km/h sur les routes et 120 km/h sur les autoroutes. Monsieur, vous savez qu'il est question de limiter la vitesse à 90 pour diminuer la consommation d'essence. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense que c'est une vaste imbécilité, voyez-vous ? C'est bien une nouille qui a pondu ça, c'est un type qui va pas souvent en auto, ça se voit. Et s'il le faut pour avoir davantage d'essence, moi je suis partisan. À quelque chose, malheur est bon. La crise de l'énergie permet un retour en force de la bonne vieille bicyclette de notre jeunesse. Déjà, le dimanche, dans plusieurs pays d'Europe, les mollets remplacent le carburant. Un exemple, en Italie, à Palerme plus précisément, il n'y avait plus une bicyclette en vente quelques heures après l'annonce des mesures de restriction d'essence. Bref, le vélo n'est plus seulement un moyen de locomotion, pour des millions de travailleurs. Depuis plusieurs années d'ailleurs, pour les écologistes, les amoureux de la nature, les ennemis de la société industrielle, les fanatiques du char à bancs, c'est aussi en quelque sorte une arme de contestation. La France, qui pour l'instant n'est pas touchée par la crise, du moins apparemment, connaît pourtant la même ruée sur la bicyclette. Guten Morgen. Wir machen jetzt eine Velotour. Un matin d'automne, sur une route ensoleillée sans voiture de Suisse alémanique, un journaliste de la radio-télévision suisse arrête un cycliste. Bonjour, bonjour. Oui, il fait un tour avec son fils, et ce vélo a passé 10 ans à la cave. Non, d'habitude, il ne fait jamais de vélo. Les dimanches sans voiture sont instaurés dans plusieurs pays, et les télévisions fascinées montrent les images des grandes autoroutes allemandes désertes. L'éclairage nocturne des commerces est réduit dans les grandes villes. L'Europe se serre la ceinture. Pas tellement de pétrole, donc, mais tout le monde a des idées. Pour économiser le fioul, pourquoi, par exemple, ne pas fermer les volets plus tôt le soir ou mieux isoler les bâtiments ? Michel Crépeau, maire de La Rochelle, au micro de Jacques Chancel en 1978. J'ai fait campagne pour le pull-over un petit peu, ça paraît ridicule, mais tout le monde nous parle de crise de l'énergie, etc. Bon, il est sûr que dans les bureaux à la mairie, on est obligé de tomber la veste pour travailler, parce que mesdames, mes employés, évidemment, viennent travailler bras nus. Bon, tout le monde porterait un pull-over, on pourrait très bien chauffer les bureaux à 18 degrés au lieu de les chauffer à 24 degrés. C'est un exemple parmi mille autres, mais je crois qu'il y a un tas de petites choses comme ça qui sont tout simplement des idées de bon sens, des évidences. Eh bien, dans la société française actuelle, on est surpris par des évidences. Je me propose d'engager tous les Français Jacques Chirac à faire un effort pour sortir de ce qui est incontestablement une économie de gaspillage. Eh bien, nous apprendrons à économiser. Mais c'est vrai aussi dans les autres secteurs. Et savez-vous que, pratiquement, on pourrait diminuer de moitié la consommation de papier si l'on mettait en œuvre les procédés techniquement existants ou au point ou à développer de récupération du papier et des cartons. Mais, naturellement, on ne s'en était pas jusqu'ici inquiété. Il faudra s'en inquiéter. Il en va de même pour les plastiques, pour le bois. Nous nous efforcerons de mobiliser l'opinion de façon libérale, ce qui est notre vocation, mais éventuellement de façon autoritaire, ce qui est notre devoir, pour qu'elles comprennent cette situation et par conséquent que l'on passe graduellement vers une économie où l'on n'ait plus de respect pour les matières premières, pour les objets, et où par conséquent on élimine une partie importante du gaspillage. Récupération et recyclage, c'est aussi une histoire d'économie d'énergie. Par exemple, les 450 000 machines à laver mises hors d'usage en 72, il a fallu énormément d'énergie, il a fallu énormément de matières premières et de travail pour les construire. Pourtant, le gaspillage le plus important, on a l'habitude de le voir dans la voiture individuelle. D'abord parce que nos modèles actuels ne sont pas très solides et doivent souvent être changés, donc gaspillage de matières premières, de fer, d'énergie pour la fabrication. Puis gaspillage encore dans la façon dont nous utilisons cette voiture. Les embouteillages, encombrements, attentes ou seuls dans nos bagnoles, nous brûlons inutilement une essence très chère dans un moteur qui tourne pour rien. Il ne s'agit pas de remettre en question cette voiture, du moins pas encore. Mais le rôle principal doit être joué par les transports en commun. Il s'agit de les moderniser, de créer des lignes nouvelles, d'étendre les lignes qui existent déjà pour le bus, le métro, le train, les cars. La mode aujourd'hui, ce n'est pas de calculer le rendement sur le ticket que paye le passager, mais sur l'essence qu'il permettra d'économiser en prenant un transport en commun. Il faut, en quelque sorte, changer nos habitudes. Ne plus éclairer des tours toute la nuit comme on le faisait avant et comme on a tenté de ne plus le faire à partir du mois de décembre, mais Noël est venu tout remettre en question. Le problème, c'est que maintenant, nous n'avons plus le choix. Si nous voulons profiter de quelques-uns, au moins, des avantages que la civilisation matérielle nous a permis de créer au fur et à mesure de l'ère industrielle depuis 100 ans, si nous voulons profiter de quelques-uns de ces avantages, il faut nous débarrasser très vite de la plus grosse des tares que nous avons créée, le gaspillage. Pour économiser l'énergie encore, le changement d'heure est mis en place le 26 mars 1976. Mais en attendant des jours plus fastes, il faut bien trouver une solution à cette crise en déployant des énergies alternatives, vertueuses ou non. La France souhaite que commence dans les délais les plus brefs. Pierre Messmer. La construction d'une usine de séparation des isotopes de l'uranium, ayant une dimension internationale et utilisant la technique de la diffusion gazeuse, seule capable, en Europe comme aux États-Unis, de répondre aux besoins de 1980. Nous l'avons proposé à nos partenaires européens en pensant qu'ils ont, comme nous, l'ambition de redonner à l'Europe son indépendance en matière d'énergie. L'énergie nucléaire aujourd'hui est à un prix de revient extrêmement bas. Seulement, ça c'est l'énergie nucléaire traditionnelle. Ce que nous espérons pour le 21e siècle, c'est en plus l'énergie nucléaire de fusion, dont le prix de revient sera très bas et dont les quantités seront incommensurables. Alors sur quoi bute-t-on ? Sur les ressources d'uranium ? Très franchement, je crois qu'il n'y a pas tellement de problèmes. On peut penser que les prix monteront, ça ne va pas beaucoup déplacer les prix de revient finaux. Sur la construction des centrales nucléaires, je ne crois pas très sincèrement qu'il y ait dans le monde un obstacle sérieux. Reste alors, bien entendu, le problème de la fabrication de l'uranium enrichi. Et c'est pourquoi, dans ce domaine, on ne peut qu'approuver le double effort des Européens de se doter d'usines de fabrication d'uranium enrichi à partir de la diffusion gazeuse d'une part et à partir de l'ultracentrifugation de l'autre. Ambroise Roux, une parenthèse avant de clore ce chapitre produits de substitution. Est-ce qu'il ne faudrait pas rouvrir les mines de charbon ? Oui, bien entendu. Seulement pour les rouvrir, il faut qu'il y en ait. Il reste quelques vagues réserves en Lorraine, non significatives. À vrai dire, sur le plan européen, le vrai problème, c'est de redonner vie aux mines de charbon allemandes et anglaises, dont il est probable qu'au lieu de baisser la production, on va la relever dans des conditions non négligeables dans les années à venir. 1976, dans les Raymond Lévy, vice-président d'Alpha Aquitaine. Les sursauts brutaux qui ont suivi la crise de 73, La panique de la pénurie de l'hiver 74, les brusques hausses de prix, la précipitation vers l'économie, ne consommons plus d'énergie, ne roulons plus sur les routes, ne nous chauffons plus, l'industrie doit utiliser autre chose que du fioul lourd. Pour, arrêtons le progrès. Arrêtons le progrès, c'est un petit peu ça. Revenons à l'arrière. Faisons de l'électricité totalement avec autre chose que du pétrole. Je crois qu'on en sait, dans ces soubresauts très brutaux, qui marquaient simplement le résultat d'un choc, exactement comme lorsqu'on tape avec un coup de marteau sur un objet métallique, il vibre brutalement et parfois il se casse. Eh bien, je crois que dans ces soubresauts, les esprits ont été beaucoup trop loin. Le pétrole n'est ni éternel ni mort. Enfin, le pétrole est devenu une nécessité. Vous dites que nous en manquerons un jour, donc il faut trouver un produit de remplacement. Ah oui, certainement. Et dès à présent ? Dès à présent, ou disons d'ici la fin du siècle. Là aussi, dans la vague de la mode, toutes les sociétés pétrolières se sont lancées vers d'autres activités. Certaines ont eu l'idée de faire du nucléaire. Je crois que le nucléaire, c'est l'affaire du commissariat à l'énergie atomique, c'est l'affaire d'EDF, c'est pas la nôtre. Mais d'autres sociétés se sont lancées, nous l'avons fait, vers la géothermie et vers d'autres énergies. Et finalement, vers l'énergie des énergies, celle qui a fait toutes les énergies, l'énergie solaire. Depuis le début des années 70, les mobilisations environnementales s'amplifient et des associations et groupes écologistes se structurent. Il ne suffit plus d'agir ponctuellement, il faut s'attaquer au fonctionnement même de la société. Le décès de Georges Pompidou en 1974 avance la date initiale de l'élection présidentielle. Parmi les 12 candidats, au nombre desquels on trouve entre autres Jacques Chaban-Delmas, François Mitterrand, Arlette Laguillé, Jean-Marie Le Pen et Alain Krivine, un nouveau venu gagne rapidement le surnom d'homme au pull-over rouge. Il se nomme René Dumont, il est agronome, a 70 ans et refuse de gaspiller du papier et un argent qu'il n'a pas pour afficher son visage sur les panneaux électoraux. Un candidat propre, dit-il, qui respecte les murs, qui sait que le papier est rare, comme l'énergie. Il termine son discours télévisé de ce 14 avril 1974 en buvant un verre d'eau, soulignant qu'elle viendra à manquer si nous ne cessons pas nos débordements, et remporte 1,32% des voix au premier tour. Je présente ici un programme écologique, un mouvement écologique. Et d'abord, ce mot nouveau pour beaucoup d'entre vous, l'écologie, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un mot gadget qui a été inventé pour les besoins de cette campagne, c'est un mot créé en 1866 par le biologiste allemand Ernst Haeckel, qui étudie les rapports entre les êtres vivants et les milieux où ils vivent. Nous, les écologistes, on nous accuse d'être des prophètes de malheur et d'annoncer l'apocalypse. Mais l'apocalypse, nous ne l'annonçons pas. Elle est là, parmi nous. Elle se trouve dans les nuages de pollution qui nous dominent, dans les eaux d'égout que sont devenues nos rivières, nos estuaires et nos littoraux marins. Le Luxembourg est le seul pays au monde. À Fessenheim, il y a 4 ans, ils étaient 1500 pour la première manifestation européenne contre l'énergie nucléaire. Hier, ils étaient 10 000 malgré le froid et le temps gris, 10 000 venus de toute l'Europe et partagés entre les discours des écologistes et des scientifiques et l'immense braderie installée aux abords de la scène principale. Car il fallait en profiter, c'était le dernier rassemblement du genre pour Fessenheim, une centrale déjà en travaux. Georges Krasovski, vous avez, je crois, fait la grève de la faim pendant près d'un mois et maintenant vous participez à cette manifestation de Fessenheim. J'aimerais savoir ce que vous attendez de Fessenheim. Eh bien, c'est avant tout le rassemblement de tous ceux qui considèrent que le programme nucléaire constitue une véritable démence. Je crois qu'il était bon que toutes ces personnes se rassemblent, puissent s'exprimer devant la presse et ensuite rentrer chacun chez soi avec encore plus de confiance dans l'avenir, car il n'est vraiment pas possible que, en fin de compte, l'instinct de conservation et le bon sens ne triomphent pas sur quelques rêves utopiques de technocrates. Alors les déchets radioactifs, personne ne sait exactement mesurer toute l'ampleur de leur toxicité, puisqu'une commission nommée en Suède, qui devait donner sa réponse en janvier de cette année, a demandé un an de délai supplémentaire, et en Suède, on prend des précautions extraordinaires qu'en France, on ne prend pas. En Suède aussi, on consulte l'opinion publique. Alors, en tant que conseiller agricole, quand une solution présente des risques non mesurables, je l'ai toujours refusé. Donc ici, la sagesse nous dit de refuser une solution dont nous ne pouvons pas mesurer l'ampleur des dangers. Je crois profondément que les réactions violentes que l'on voit actuellement contre le nucléaire, qui sont presque de même nature que les réactions contre le pétrole, il va rendre service, il est très puissant, il faut être contre. Eh bien, je crois que ces réactions sont mauvaises. Je crois qu'il faut que nous pensions à l'avenir, je crois qu'il faut que nous développions des énergies de substitution. Je crois que le pétrole, progressivement, perdra peu à peu de ses places. Je ne sais pas quelles innovations technologiques nous permettront de le faire disparaître, notamment de nos transports, notamment de la chimie. Et je ne pense pas que ni vous, ni moi, dans notre vie humaine, le verrons. Mais le monde du 21e siècle sera, ou du 22e siècle, si vous voulez, après l'épuisement aussi du charbon, sera certainement très différent. Les avions renifleurs d'Elfe Aquitaine avaient le nez bouché, plusieurs milliards de centimes sont passés en Suisse, et un rapport brûlant de la Cour des comptes a été détruit. Voilà, résumé, la nouvelle affaire dénichée par le Canard enchaîné. Une affaire suffisamment grave pour que le ministère du budget réclame de l'argent à la société Elf. Le groupe financier ERAP, qui contrôle Elf, a confirmé ce matin qu'il allait rembourser 400 millions de francs à l'État. Si l'on en croit le Canard enchaîné, c'est en 76 que le scandale a commencé. Des escrocs ont réussi à extorquer 85 milliards de centimes aux dirigeants d'Elf Aquitaine en leur faisant croire qu'il existait un nouveau moyen révolutionnaire pour découvrir du pétrole, des avions renifleurs, des appareils capables de détecter du haut du ciel la présence de l'or noir. Évidemment, les renifleurs n'ont rien niflé du tout. En revanche, le ministre de l'Industrie de l'époque, André Giraud, a flairé l'entourloupe. Apparemment, dans cette affaire, il est d'ailleurs le seul à n'avoir pas été bouché. Monsieur Giraud a donc demandé un rapport à la Cour des comptes. Le rapport a été rédigé en 3 exemplaires seulement. L'un pour le président de la Cour, Bernard Beck, aujourd'hui à la retraite. Le deuxième pour le premier ministre de l'époque, Raymond Barre. Et le troisième pour Giscard. Et c'est là que l'affaire prend une dimension politique, car les 3 documents ont disparu. De même, plusieurs milliards de centimes ont disparu en Suisse. Ça fait beaucoup de disparitions. Voilà pourquoi le ministère du budget a ressorti le dossier et ouvert une enquête. À l'Assemblée nationale, cet après-midi, le secrétaire d'État au budget, Henri Emmanuelli, n'a pas mâché ses mots. Selon lui, la destruction du rapport de la Cour des comptes est un acte de forfaiture. C'est pas possible quand même que ça dure. Non, c'est pas possible. C'est effrayant de voir tous ces gens partir travailler. Alors que moi, je n'ai rien à faire. Et c'est peut-être notre société qui est comme ça. Je sais plus où on en est. Il y a des choses qu'il faut laisser tomber, c'est sûr. Mais il y en a d'autres qu'on ne peut pas parce que c'est raisonnable. Bien sûr, qui organise la société, ceux qui créent la richesse ou ceux qui la distribuent. La richesse, c'est le travail. Justement, c'est ce que je n'ai pas. Pourtant, je ne suis pas pauvre pour autant. Pour les adultes, j'ai pas beaucoup de problèmes. C'est plutôt chez moi, il y a un tribunal qui est composé de 3 enfants. Et c'est dans ce tribunal-là que je voudrais jamais passer. Il ne faudrait pas qu'ils pensent que je suis un incapable. Je crois que c'est ça le point capital. Pour le reste, les humains n'ont pas de jugement. Bon, enfin. Allez, il faut que je m'arrête quand même, parce que cette philosophie, ça débouche pas sur un bulletin de paye. L'époque du plein emploi semble bien révolue, et la crise du pétrole seule ne suffit certainement pas à expliquer cette mue. La crise économique est liée à la transformation de l'outil de travail et des modes de production. L'accélération des échanges internationaux commence à se faire sentir de manière insistante, jusque dans le quotidien. Et le lien social, les rapports sociaux évoluent aussi progressivement. Une inquiétude inédite contrarie les vies ordinaires. Communication de la CFDT à l'officiel du chômage. À la fin septembre 1975, les statistiques officielles recensaient 945 800 demandeurs d'emploi recherchant du travail à plein temps. Si depuis 1966, la croissance économique s'accompagne du développement d'un chômage structurel, c'est seulement depuis septembre 1974 que l'augmentation par an du chômage est passée à 77%. En septembre 1975, on a recensé une offre d'emploi pour 8,2 demandeurs. Ici Châtellerault, dans la salle à manger de la famille Bonnarec que nous interrogeons et avec laquelle nous bavardons depuis midi. Vous savez que le président de la République a l'intention de se déplacer. Si au lieu d'une équipe de France Inter, la nôtre, c'était le président de la République qui avait soudain frappé chez vous, comment l'auriez-vous reçu ? Nous sommes accueillants. Est-ce que vous savez, vous, par exemple, madame, ce que vous feriez au président de la République à déjeuner ou à dîner s'il frappait d'un coup, là, tout à l'heure ? Non, c'est pas encore lui. Deux rillettes de lapin, tomates farcies. Comme on a un congélateur, ça serait quand même assez vite fait. Des spécialités de la région ? Oui, le tourteau fromager. Bon, vous avez à l'écoute, et nous l'avons dit depuis tout à l'heure, monsieur Durafour, qui est le ministre du Travail et qui connaît bien les problèmes sociaux. Il est, je suppose, de la Maison de la Culture de Saint-Étienne, comme prévu. Je pense qu'il va vous répondre aux questions que vous pouvez lui poser directement. Monsieur Durafour. Oui, je suis à l'écoute. Eh bien, monsieur Bonnarec veut vous poser une première question. Bonjour, monsieur le ministre. J'ai une question à vous poser. Pourquoi n'êtes-vous toujours pas d'accord avec les statistiques de la CGT et d'autres organisations syndicales ? Les statistiques qui portent sur quoi ? Sur le chômage, par exemple. Sur le chômage. Nous savons, monsieur le ministre, qu'il y a une polémique entre vous et certains syndicats sur le nombre des chômeurs. Oui. Vous pensez qu'il n'y aura pas 1 million de chômeurs en France au printemps. Le Premier ministre l'a dit également. Les syndicats ne sont pas de votre avis. Monsieur Krasiouki le disait hier. Oui. Est-ce que vous le confirmez ce matin en dépit des remarques et des protestations des syndicats ? Ah oui, je le confirme absolument. Et je voudrais même dire que nous avons à l'heure actuelle procédé à un certain nombre de sondages concernant le nombre des demandeurs d'emploi. Et nous sommes à l'heure actuelle, au mois de novembre, à 700 000 demandeurs d'emploi avec la réserve que je viens de faire. Les chiffres que nous avons pour le mois de décembre, mais c'est un comptage manuel, indiquent qu'il y a à peu près une stabilisation du nombre des demandeurs d'emploi. Or, vous savez que le mois de décembre et le mois de janvier et février sont les plus difficiles, après quoi on assiste à une détente. Par conséquent, si à l'heure actuelle nous stabilisons le nombre des demandeurs d'emploi à 700 000, j'ai toute raison de penser, sans prétendre d'ailleurs évidemment prédire l'avenir, parce que ce n'est pas dans mes possibilités, mais j'ai toute raison de penser qu'au mois de printemps, où s'amorcera précisément la détente, non seulement nous n'irons pas vers le million de chômeurs, mais en fait nous serons probablement en retrait sur le chiffre actuel. Dans le nombre actuel que nous avons des demandeurs d'emploi, effectivement, les jeunes représentent une masse importante, de l'ordre d'environ 44%, et les femmes également, puisqu'elles représentent environ 55%. En faisant taire les chômeurs tels qu'on les fait taire actuellement, justement, lorsqu'une offre d'emploi est passée pour un poste de secrétaire, il y a 200 chômeuses qui se présentent. 200. Et on demande pour 40 heures, pour un poste qui peut-être, il y a 2 ou 3 ans, était rémunéré 2002 à 2300 francs. Avec l'inflation, maintenant, il est passé à 1800 francs, le poste. L'Officiel du chômage, le seul journal qui ne demande qu'à disparaître. Mensuel, premier numéro, octobre 75. Les rédacteurs chômeurs. Moi, j'ai travaillé dans la presse avant et j'ai plutôt été mis à l'écart par les facéties d'un directeur de publication. Et j'ai passé... C'est comme ça que je me suis retrouvé au chômage. L'Officiel du chômage, 12 rue Le Mercier, Paris 17e. Téléphone 387 12 85. L'idée a pris corps, disons, au mois de mai 75. Mai-juin 75, on a commencé à se réunir, on était entre 5 et 7. Et chacun a cherché d'autres personnes susceptibles d'être intéressées. Alors, comme dit le canard enchaîné, on a mis nos allocations de chômage sur la table et puis on a créé une SARL. Enfin, ces allocations de chômage ne sont pas très élevées. Une SARL de presse, presse. 2000 francs, c'est tout. Oui, on l'a faite à 2200 francs, donc on a un petit peu augmenté le capital. L'objectif, c'est d'apporter un organe d'expression au chômeur. C'est évident, c'est la chose qui est affichée partout, qu'on crie depuis le départ. C'est une culpabilisation du chômage actuellement qui est absolument effarante. Et la déculpabilisation, c'est un peu notre but. Et disons que c'est presque un mot, et c'est un mot phare qui a éclairé un peu toute notre action. Et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Officiel du chômage, numéro 2, éditorial. Avant que le ronronnement général n'ait endormi l'espoir, avant qu'il ne soit trop tard, pourquoi ne pas décréter l'urgence d'une expression collective ? Elle ne risque pas d'être définie par un ministre du Travail. Son but ne sera pas la gestion du chômage, mais apparaîtra peut-être au grand jour le désir d'un million de chômeurs de mettre un terme à leur humiliation. Une question de M. Bonnarek. Oui, vous parlez d'une croissance modérée. Est-ce que ça signifie pour les travailleurs des sacrifices ? Une croissance modérée, je m'excuse, nous avons eu une interruption l'audition qui ne m'a pas permis d'entendre la totalité de votre question. Monsieur Bonnarek demandait la signification recueillie dans les propos que vous avez tenus tout récemment d'une croissance modérée et de sa signification pour les travailleurs. D'une croissance modérée de quoi ? De l'économie française. Oui, bien sûr. Je pense qu'effectivement, la situation de l'économie française est telle à l'heure actuelle que nous allons probablement assister à un certain nouvel essor. Et je crois que cette situation sera de nature à détendre effectivement le marché de l'emploi. Quel est le taux de la croissance qui est prévu pour cette année ? Le taux de la croissance économique ? Oui. Oh, la croissance économique doit être une croissance économique voisine de zéro. Mais en tout état de cause, cela ne signifie pas du tout... Au contraire, qu'il y aura une aggravation une augmentation du nombre des demandeurs d'emploi. Au contraire, la croissance modérée permet, et même la croissance zéro, permet parfaitement le maintien du plein emploi. Cela dépend d'une certaine distribution du travail. Henri Bonnarek. Oui, encore une question, monsieur le ministre. Est-ce que la crise dont on parle prendra fin en 75 ou d'après vous, va-t-elle s'aggraver ? Ah, monsieur Bollarek, je ne suis pas devin, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'espère raisonnablement, et je dis raisonnablement car cet optimisme est en effet raisonné, j'espère raisonnablement que nous allons connaître dès le printemps de 1975, et en tout cas très sûrement dès l'été, un nouvel essor économique. Mais bien entendu, il y a toute une série d'événements internationaux, d'ailleurs dont nous ne sommes pas les maîtres, qui peuvent modifier cette prévision. En l'état actuel de la question, compte tenu des premiers résultats obtenus, et notamment en ce qui concerne la hausse des coûts, qui sont tout de même des résultats assez satisfaisants, j'ai bon espoir que dès la fin du printemps, peut-être même d'ailleurs dès le début du printemps, et en tout cas dès le second semestre de 1975, les choses iront beaucoup mieux. Il y a bien des années, des dizaines d'années que je suis en France. J'ai travaillé dans le bâtiment, sur des chantiers de barrages, dans la métallurgie, les produits chimiques, un peu partout. En tant qu'immigré, je pense, et nous devons tous penser, qu'un jour, toutes les organisations syndicales qui peuvent se réclamer réellement de cette vocation, puissent demander, même au Bureau international du travail, de créer une charte de l'immigration. Car cette immigration, ces courants d'immigration qui existent actuellement, peuvent changer de direction, peuvent changer de norme. Et je formule le vœu que ceux qui n'ont pas encore compris que la solidarité du monde ouvrier puisse exister, de n'importe quelle couleur soit-on, de n'importe quelle confession soit-on, de n'importe quel idéal philosophique que l'on puisse avoir, il n'en demeure pas moins que l'homme doit être respecté. Les immigrés, quand ils arrivent ici, la plupart, moi le premier, Omar Habib. Ils font un travail, c'est pas parce que les Français n'en veulent pas, parce que déjà il est mal payé. Parce que les Français, il est capable d'aller où il veut s'il est bien payé. Mais bien sûr, il y a beaucoup de dangers que même les Français, ils ne savent pas. Et moi, je me rappelle quand je suis rentré, je m'en foutais tout du moment que j'ai un travail. Et quand j'ai commencé le travail dans les rails de chemin de fer, d'ailleurs, il n'y en avait pas un seul Français qui travaille. Pourquoi ? Parce que c'est un boulot mal payé. Et nous, on était tous les immigrés, on était une bonne quarantaine d'immigrés, tous des immigrés. Et il n'y en avait pas un qui avait des papiers. Et donc, on était commandé par un Espagnol, dirigé par un Espagnol, c'est pas lui le patron, il y en a un autre patron. Et on faisait des travail affreux. Quand je réfléchis maintenant, moi, je pleurais le matin. Et pourtant, je suis courageux. Je crois que c'est après l'immigration, je suis pas sûr, mais après l'immigration, c'est le plus dur. Et Et je me rappelle, il nous prenait un chantage pour qu'on puisse obliger de rester. Il nous dit, vous inquiétez pas, vous aurez des contrats, vous aurez vos papiers. Et on attendait. On a commencé à Austerlitz. Et on a fait des tranchées. Les tranchées, je me rappelle comment on les faisait, quand on passait un câble. On était, toi, ici. Après, il compte avec ses pas. Il compte 20 à peu près. Toi, ici. Avec, etc., etc. On était éloignés. Quand j'ai vu le film de Paul Newman, Luc et main froide, les prisonniers, qu'ils étaient comment, il faut demander, lever la main pour aller aux toilettes, lever la main pour boire. J'ai dit, tiens, c'est exactement comme ça qu'on était dans les chemins de fer. Exactement. Et je trouvais, c'est pas normal. Et j'ai dans le sang un peu révolte. Je me révolte, je sais pas pourquoi. Et je dis aux gens, écoutez, il peut pas s'en passer de nous. Alors faisons grève. Alors je sais même pas qu'est-ce que c'est une grève, moi. À l'époque, c'était ma première. Omar Habib, vous n'en étiez qu'à votre coup d'essai, parce que je crois qu'après, vers le milieu et la fin des années 1970, vous étiez partie prenante de la fameuse grève de la Sonacotra, dans les foyers de travailleurs immigrés. La plus grande grève de l'immigration. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne le savent pas. Il y avait 120 000 grévistes. Et c'est une grève extraordinaire. Parce qu'il y a eu, il y a eu des maoïstes, les trotskistes qui voulaient nous diriger. Il y avait les syndicats qui voulaient nous diriger. Les partis, tous les partis politiques sont arrivés. Même à l'époque, Mitterrand, Mauroy, toutes les socialistes, même les communistes. Et nous, on a tenu, on a formé une coordination, comité de coordination, et on voulait négocier avec nous. Ils ne veulent pas négocier avec personne, c'est nous. Alors bien sûr, les négociations qu'ils ont fait, surtout le Parti communiste, à l'époque à Bagnolet, ils ont négocié, eux, pour une diminution de 20 centimes, je me rappelle, et une pelle, une serpillière. Alors, on a rigolé, quoi. On a dit, attends, foutu de notre gueule, quoi. Parce qu'on est des immigrants, on est lettrés, on est cons, quoi. Non, c'est pas ça qui nous intéresse. On les intéresse parce qu'ils disent, dans les reçus de loyer, ils disent participation de gestion. C'est-à-dire, c'est pas le loyer qu'on donne. Alors, il y a plein d'experts qui sont venus vers nous et nous ont aidés. Ils ont cherché à comprendre. Ils ont vu que la participation de gestion, c'est pas ça. C'est vraiment moins cher que ça. Et donc, là, ça a engagé une procédure. Heureusement, on l'avait gagné. À l'époque, il y avait Vincennes, fac de Vincennes. Et donc, eux, ils nous font des affiches, ils font plein de choses. Et on faisait des portes ouvertes pour dire aux Français, venez nous voir comment on habite. Parce que les gens, ils pensent qu'on habite bien. Mais non, c'est 15 mètres carrés divisés par deux. Il y a des foyers comme ça. Alors, ils déclarent 15 mètres carrés. Et après, ils divisent ça avec des contreplaqués. Et en bas, il y a rien. C'est-à-dire, si on perd notre clé ou une pièce de monnaie, elle va chez le voisin. Et le voisin, il te la redonne. Donc, c'était dégueulasse. Et en plus, on n'a pas le droit de visite. Le directeur, tous les directeurs de foyers Sonacotra à l'époque, c'était des anciens de la guerre d'Algérie. Tous. Ils connaissent très, très bien les gens. Et donc, ils te parlent d'un mot raciste. Fissa, allez, Bougnou, dépêche-toi. Allez, des mots dégueulasses. L'entrée en France de travailleurs étrangers est suspendue jusqu'en octobre. Ainsi en a décidé ce matin le Conseil des ministres. 3 800 000 étrangers sont venus travailler en France en 1973 et c'est pour définir de nouvelles orientations en matière d'immigration que le gouvernement a pris cette décision. Ces orientations porteront sur l'action sociale, les salaires et la sécurité. Au printemps 1974, un secrétariat d'État en charge des travailleurs immigrés est créé. Le Conseil des ministres du 3 juillet décide de la suspension de l'immigration. Le secrétaire d'État Paul Dijoux négocie avec les anciennes colonies françaises l'abandon des clauses de libre circulation qui permettaient jusqu'à présent à leurs ressortissants de se déplacer librement. En contrepartie, l'aide au développement est augmentée et les migrants déjà présents en France doivent être mieux protégés, en accédant par exemple plus facilement à des titres de séjour plus longs. Face à la mobilisation et aux protestations diplomatiques, le gouvernement doit cependant renoncer à limiter l'immigration familiale. L'année suivante, le regroupement familial est reconnu comme un droit. Mais voilà, l'histoire ne s'arrête pas là. En 1977, Mosaïque, l'émission des cultures immigrées, reçoit Lionel Stoléru. Bonjour, bonjour à tous nos amis fidèles à ce premier rendez-vous de Mosaïque. Nous espérons vous retrouver tous les dimanches à 10h30 devant le petit écran de FR3. Après les mesures prises avant l'été pour faciliter le retour des travailleurs immigrés au chômage, le retour dans le pays d'origine, Lionel Stoleru, secrétaire d'État auprès du ministre du Travail, vient de tenir une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé de nouvelles mesures, il les a rendues publiques, de nouvelles orientations de la politique d'immigration en France. En somme, vous êtes ici des travailleurs immigrés, des travailleurs étrangers en France. Certains d'entre vous sont là depuis très longtemps d'ailleurs. Et vous vous posez des questions sur l'attitude des Français vis-à-vis de vous. Alors, tout d'abord, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que les Français, qu'ils l'expriment ou non dans leur vie quotidienne, doivent avoir envers vous, envers les travailleurs immigrés, un sentiment de gratitude pour avoir ensemble construit ce qu'est la société française d'aujourd'hui. Et depuis 15 ans, l'apport des travailleurs étrangers en France a permis cette croissance très rapide que nous avons constatée. Et puis aujourd'hui, il y a un changement, en France comme ailleurs, c'est que depuis 1973, depuis 4 ans, le progrès se ralentit et très normalement, ce changement indique que les pays européens ont moins recours à la manœuvre immigrée qu'avant. Alors dans certains pays, le virage s'est fait très brutalement et il y a eu des renvois de travailleurs immigrés dans leur patrie. En France, je pense que ce ne serait pas ni convenable ni concevable. Et je dis ça parce que je vois bien souvent autour de moi des travailleurs immigrés qui se sentent inquiets. Quand on est en terre étrangère, même si on y est depuis très longtemps, on se sent toujours un peu inquiet. Et c'est vrai que les Français, qui je crois, j'espère, sont plutôt gentils comme caractère profond, ne sont pas non plus des saints. Et quand on est différent, quelquefois, on s'attire des remarques particulièrement désagréables. Je suis là pour veiller à ce que les travailleurs immigrés se sentent en France, comme les Français, avec les mêmes droits, à ce qu'ils n'aient pas à accepter des brimades ou des rebuffades ou des remarques ou quoi que ce soit. Et en tout cas, je leur dis très clairement, non seulement qu'ils doivent se défendre, ils n'ont pas à accepter d'être traités différemment, puisqu'ils ont les mêmes droits, mais en plus, nous serons toujours là, et je serai toujours là, pour les aider à faire respecter leurs dignités et leurs droits. Cela dit, la décision que je viens vous apprendre aujourd'hui, c'est que nous étendons, à partir du 1er octobre, l'aide au retour à tous les travailleurs immigrés en France depuis 5 ans. Qu'il soit donc chômeur ou salarié, n'importe quel travailleur peut, à partir d'aujourd'hui, demander au service d'accueil que vous connaissez tous bien, ou à Intermigrant, des renseignements. Et s'il est en France depuis plus de 5 ans, il a un droit nouveau qui vient en somme récompenser sa contribution à la croissance française et qui lui permet de choisir où il continue à rester en France ou s'il le souhaite volontairement. Il préfère retourner dans son pays avec une aide financière de 10 000 francs, plus certaines aides aux autres membres de sa famille. La deuxième mesure que nous créons au 1er octobre, c'est que nous ne délivrons plus de cartes de travail nouvelles à partir du 1er octobre. Et troisième mesure nouvelle, nous suspendons à partir du 1er octobre l'immigration familiale pour 3 ans. Donc, voilà les nouvelles mesures dans une même politique, et d'ailleurs, s'il devait y avoir, chaque fois où il pourra y avoir de nouvelles mesures, je viendrai vous en informer, afin que vous n'ayez pas le sentiment qu'une politique se fasse sans qu'elle soit clairement exprimée. Le groupe algérien Djourdjora chante le million de Stoleru, un million. Vie d'immigré, vie de misère, un million est dehors. Prends ton million et la porte. C'était 1974, du pétrole et des idées. Archivina, Amélie Briand-Lejeune, mixage, Philippe Mercher. Un documentaire de Doria Zénine et Marie Chartron. Yeah.